Président, on va revenir avec vous rapidement parce qu'on a un autre élément qu'on va jouer. On va revenir rapidement avec notre ami Christian Dioko qui dit que ceux qui ont pris la mer, comme il a dit tout à l'heure, c'était pour fuir la misère au Cameroun. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, Président Bandakani, on peut dire qu'au Cameroun, on misère? Bon, d'abord, je voudrais dire à mon ami Dioko, puisqu'il m'a cité. Je le connais, on se connaît. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y en a qui ont fait des choses dans leur vie. Effectivement. Et après, ils sont intégrés. Mais ils doivent apprendre à eux-mêmes. C'est quelqu'un qui a fait des choses en France pour ses frères, nous, on est au courant. Pour lui dire que je le connais, on est au courant. Mais il ne faut pas qu'il s'en prenne au Cameroun. Le Cameroun n'y est pour rien. Si ses propres frères lui ont fait des coups, il rit quand je parle, il sait de quoi je parle. Ses propres frères lui ont fait des coups. Qu'est-ce que le Cameroun a voir là-dedans? Et c'est Paul Biya qui lui a fait des coups. Il faut s'en prendre à tes frères qui t'ont fait des coups. Vous ne pouvez pas dire plus. Nous sommes des gens civilisés, mon frère. Donc, ne confondons pas les choses. D'abord, un. Il ne s'agit pas de diplôme, Christian. Ce n'est pas une affaire de diplôme. Un. Et de deux, tes diplômes-là peuvent servir, si ce n'est pas au Cameroun, dans un pays africain. Est-ce que tu es obligé de rester en France? Marcher, excuse-moi, avec des voyous, des gens qui ne sont pas dignes de ta moralité, qui ne sont pas dignes de ton parcours. Peut-être que tu veux qu'on se parle comme ça. Tu peux aller servir au Tchad, tu peux aller servir à d'autres pays africains. Il y en a qui vont te recevoir avec tes compétences. Donc, ce n'est pas une affaire de diplôme. Effectivement. Pas une affaire de diplôme, mon cher Christian. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Deuxièmement, quand tu dis que les gens fuient la misère pour venir en France, mais sois sérieux, Christian. Tu penses qu'il est normal d'économiser 5 millions de francs pour aller faire l'aventure? Si quelqu'un est normal, il a 5 millions de francs, mais il devient riche au Cameroun. Nous, écoutez, nous qui sommes ici là, du coup, c'est parce qu'on ne peut pas aller en Europe. Mais tu sais que ce n'est pas vrai, Christian. Moi, j'y ai été. J'y ai été. Et je suis rentré volontairement pour servir mon pays. J'y suis. Et j'assume l'état et les forces de mon pays. Faut pas croire. Si quelqu'un cotise 3 millions, 5 millions pour aller au désert, c'est lui qui n'est pas normal. Parce que moi, je vois les Nigériens. Je prends seulement le cas des Nigériens. Ce n'est pas une injure. Quand ils viennent au Cameroun, ils ont pour capital moins de 2 000 francs. Puisqu'ils le savent. Ils viennent ici, leur frère leur tape les machins de cordonnier. Effectivement. Et ils commencent, et au bout d'un an, de deux ans, de trois ans, ces gars sont installés, ils ont de l'argent. Je dis les Nigériens, mon cher Dioko, tu sais de quoi je parle? Donc si un Camerounais peut cotiser 5 millions et il voyage pour aller en France, c'est lui qui est malade. Et on n'est pas surpris donc arriver en Europe, n'est-ce pas? Quand ils sont traumatisés, ils commencent à en vouloir au président. Ils commencent à aller pourchasser un papa de 86 ans. C'est une honte, Christian. Ton travail, c'est de leur dire de ne pas faire ça. C'est de leur enseigner de ne pas faire ça, que de faire ce que tu fais. Quand on dit, ok, il dit qu'il n'est pas sécessionniste, oui, Christian, oui, sauf si tu as changé. Je ne lui connais pas de sensibilité sécessionniste, mais tu fais quoi avec les sécessionnistes? Tu fais quoi avec eux? Et jusqu'à vouloir parler à leur place. Les gens disent qu'ils sont sécessionnistes, toi tu viens dire que non, ils ne le sont pas. Mais entre toi et eux, on va croire qui? Et ils disent qu'ils sont sécessionnistes. Mais toi, tu viens dire qu'ils ne le sont pas. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est ce que j'appelle l'incohérence. Je sais pas ça, l'incohérence. Il ne faut pas se mélanger avec tout et n'importe quoi. À un moment donné, ça va te contaminer. Effectivement. Ça, c'est quelqu'un d'intelligent. Christian, je le connais, c'est quelqu'un d'intelligent. Mais tu n'es pas sécessionniste. Tu fais comme les sécessionnistes. Et tu parles à leur place. Eux, ils sont sécessionnistes. Ils s'assument comme tels. Effectivement. Comme tels. Alors, le dialogue, mais oui, personne ne peut être contre le dialogue. Et le dialogue n'a jamais été interrompu au Cameroun, sauf si on considère comme dialogue l'imposition de sa volonté. Vous comprenez? Mais si on considère que le dialogue n'est pas l'imposition de sa volonté, personne ne peut refuser qu'il y ait dialogue, que le dialogue n'a jamais été interrompu au Cameroun. Et maintenant, quand on veut dialoguer avec un papa de 86 ans, qu'on appelle grand-père, et dont on se considère comme étant son petit-fils, et on commence à le menacer, on commence à l'humilier devant un hôtel, c'est quel dialogue ça? Donc, vous voyez que Christian est dans des dynamiques, ça manque de sincérité. Il faut vous démarquer clairement de ces gens-là, de manière claire. Et spécifier votre démarche dans une dynamique qui correspond à ce qu'on connaît de vous. Une fois de plus, sauf si vous avez changé. Mais quand vous mélangez avec des sécessionnistes, vous mélangez avec des gens qui ont pour profession, ce n'est pas une injure. Dioko, tu sais que ce que je dis est vrai. Tu le sais. Et moi, j'ai les preuves. Tu le sais. Alors, des gens qui ont pour travail, n'est-ce pas, font le bruit quand certains présidents arrivent en Europe. Et comme par hasard, c'est seulement le président camerounais qui subit ça. Hein. C'est lui seul qui subit ça. Le seul qui subit ça. Or, Christian Moi était prêt à témoin. Quand le président français vient au Cameroun, tu penses que nous, là, on n'a pas de raison d'aller perturber l'arrivée du président français au Cameroun? Moi, je me rappelle quand Hollande est arrivé ici. Hollande, il est arrivé ici. Nous, on s'est mobilisés pour dire qu'on va en finir avec lui. On peut voir le Boko Haram. Ce sont les autorités du Cameroun depuis Yaoundé qui nous ont dit, nous ne gérons pas les choses comme ça. Nous sommes des hommes civilisés, nous savons ce que nous voulons. Calmer. Et nous avons écouté nos dirigeants. Vous comprenez? Et vous voyez que l'instrumentalisation que les petits services secrets français font là avec les activistes là, c'est très facile à faire au Cameroun. C'est très facile à faire. Et d'ailleurs, une fois, moi je me rappelle à Yaoundé, peut-être qu'il s'est oublié, mais il se souvient, que Mme Robichon, qui était à l'époque ambassadrice du Cameroun, de France ici, mais elle est allée à une manifestation, elle a subi l'humiliation du siècle. Vous vous souvenez? Elle a été huée. Et il y avait le ministre dans cette manifestation. Elle a été huée. On lui a démontré que il faut faire attention, quand les Camerounais se lèvent, aucune force au monde ne peut s'opposer à eux. Aucune force au monde. Donc, c'est parce que nous ne sommes pas des Romains pour faire comme les Romains à Rome. Les Français sont des sauvages. Les dirigeants français sont des sauvages et des criminels. C'est connu. Donc, ils ont des comportements de sauvages. Ils sont incapables de faire une réciprocité diplomatique digne de ce nom. Au Cameroun, nous avons un dirigeant qui respecte ses engagements internationaux, qui sait ce qu'on appelle diplomatie. Il se tient là. C'est son travail. Mais en France, vous avez des dirigeants en perte de vitesse, égarés, qui ont tellement bu. On m'a dit que le sang coule dans le museau. Ben, c'est bien, Christian. Mais le sang que la France a versé en Afrique, ça coule où? Ça coule où? Tu vois pas ça? Ça coule où? Ça dure combien d'années? Ça fait des siècles, Christian, que la France fait couler le sang en Afrique en général et au Cameroun. Les Français ont tué tes grands-parents, tu le sais. Ils les ont massacrés. Tu en fais quoi? Mais maintenant, tu es assis en France, tu es très heureux. Tu t'occupes seulement du sang, qui soit des encours dans le nozo. Mais qui fait couler le sang dans le nozo? Qui le fait? Tom, tu sais que c'est sérieux au point où tu es obligé d'avoir un clin d'œil pour les militaires qui meurent. Tom, tu sais que ça ne va pas, que tu es obligé de faire un clin d'œil aux militaires. Qui fait couler le sang au nozo? Ce sont ces voyous, ces criminels, ces terroristes avec qui tu vas t'en coquiner, qui sont derrière tout ça. Ce sont eux. Pourquoi? Ils sont allés vendre cette région à des voyous américains. Qui sont sur Internet, qui ne se cachent pas, Christian? Tu as vu ces gens-là qui revendiquent les droits sur ces deux régions. Ça a été vendu par ces gens-là. Tu appelles ça sécession? Tu appelles ça fédéralisme, ça? C'est ça le fédéralisme, ça? Tu confonds fédéralisme avec les entreprises criminelles de baltisme primaire de ce niveau-là? Mais non, c'est pas ça, Christian. Il faut qu'on soit sérieux. Donc, le sang, je le dis que le président camerounais, c'est quelqu'un qui respecte les engagements internationaux du Cameroun. Et c'est à son honneur, Christian. Contrairement à la France, qui est obligée d'aller s'acoquiner avec de la racaille. C'est pas la diaspora. J'ai parlé de toute la diaspora, Christian. Une certaine diaspora. Et tu sais de quoi je parle. J'arrive. Il faut qu'on se parle franchement. Toi, tu n'es pas de la racaille. J'ai dit que toi, je te connais. Sauf si tu as changé. Sauf si tu as changé entre-temps. Mais la racaille, là. Qu'une diplomatie, n'est-ce pas? Qui a un tel âge comme celle de la France, aille se rabaisser, aille s'acoquiner avec de la racaille, parce qu'elle ne sait plus lire les événements internationaux, parce qu'elle n'est pas en mesure de parler avec les dirigeants africains. C'est une honte. Oh, le président camerounais, lui, quand les Français arrivent au Cameroun, regardez en France, regardez ici, Christian, viens par les vacances, je vais t'amener à Bonapriso. Les Français s'assoient avec nos petites filles, avec les petites. Ils font bisous, ils les embrassent en plein jour, en pleine nuit. Personne ne les touche. Pourtant, tu sais qu'on a mille raisons de couper leur tête. On ne le fait pas. Parce que nous sommes des gens civilisés. On est civilisés. Et les gesticulations françaises, qui consistent à instrumentaliser la racaille des voyous, pour vouloir impressionner le président comme là, moi, ça me fait rire. C'est dépassé ça. Nous, on ne parle même plus de ça. On n'est plus à ce niveau. Nous, on est en train de réfléchir comment on va finaliser la sortie du franc CFA. On est en train de réfléchir comment on va chasser les Français complètement d'Afrique. On est en train d'ouvrir les horizons géopolitiques de l'Afrique, comme toi-même tu vois avec tes yeux. C'est ça qui nous intéresse. Alors, si les gens mènent des combats d'arrière-garde, au lieu d'avancer, ils vont se cacher derrière un pays mort, dirigé par un mort, un confineur professionnel, un nazi, un néo-nazi, mais c'est votre problème. Merci à vous. Alors, non, ne coupez pas, c'est sérieux. Allons-y rapidement. Alors, président. Moi, je répète ceci. Alors, je répète donc ceci. Moi, je répète ceci. C'est pas, il n'y a pas aucun pays au monde qui parle avec les sécessionnistes. Si Christian était au pouvoir, il serait même plus dur que le président Biya. Si Christian était au pouvoir, je vous dis, il serait plus dur. On ne parle pas avec un sécessionniste. Comme ça se fait en Espagne et en France. Comme ça se fait aux États-Unis. On ne parle pas avec les sécessionnistes. Le Cameroun est le seul pays où le président a tendu la main à ces gens. C'est le seul pays. En Espagne, on les tue. On les bannit de leur nationalité en Espagne. Et l'Espagne, c'est un pays africain. L'Espagne, c'est un pays africain. C'est un pays européen. La France, c'est un pays africain. La France a parlé avec Colonna, Yvan Colonna. Mais Christian, il sait tout ça. Mais quand c'est au Cameroun, il oublie tout ça. C'est la mauvaise foi, c'est pas sérieux. Il oublie ça. Donc, au Cameroun, le président gère cette crise-là en papa, justement. En papa. Le Cameroun a des forces de sécurité que si elles sont déployées dans ces régions, l'affaire est terminée. Mais il ne le veut pas. Il gère ça en papa. Et ils le savent. Merci. Le cardinal, qui était leur parrain moral à un moment donné, il leur a dit que le père là, c'est un chrétien, sinon il vous tue tous, sortez de la brousse. C'est ce que Kadatoubi qui leur a dit. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Je termine en disant ceci. Une fois de plus, je répète. Les Camerounais regardent, et moi j'interpelle Christian là-dessus. Les Camerounais, nous regardons ce que vous faites. Je répète, si il est porté atteinte à l'honorabilité du président camerounais, à quelque niveau que ce soit, vous saurez que le Cameroun, c'est le Cameroun. Merci à vous, président Bandakani. On va...